petit, reste tes brouillards. La route est longue, ne passe pas la gare, non. Et même si tu ne sors pas de l'ombre, les anges sont là et veillent sur toi. Et petit, reste tes brouillards. La route est longue, ne baisse pas les bras, non. Et même si la nuit est sombre, les anges sont là et veillent sur toi. Oh, des brouillardises, tous ces morceaux que t'aimes. Ces enfants qui s'attribuent un nom sans avoir d'antenne. Ce que tu qualifieras d'antisystème. Ambitieux, du berceau jusqu'à la cinquantaine. Ceux qui foutent leur bec là où y'a de la graine. Et qui tiennent à peine sur leurs pattes spin, aimeraient se faire la pelle. Ceux que t'appelles par leur place, qui plaisent, qui baissent, qui flemment, qui ne connaissent plus la parenthèse. Ceux qui jouent rave et ramènent les euros à ram. Trouvent ça naturel, du cash pour le Touareg. Ceux qui se perdent et s'y retrouvent dans n'importe quelle bled. Ceux qui tiennent l'appel pour remplir le compte au bled. Qui parle tout fort, qui n'a jamais honte. Chauffe la savonnette toujours dans le micro-ondes. Ceux qui détiennent les médailles, qui traquent. Coupent des matraques pour que la clientèle soit dans la zone. Si tu remets la tienne, on te connaît pas, on se renseigne. Méfie-toi, les balances finissent dans les assiettes. Des brouillards jusqu'aux petits grains de sel. Quand ça chauffe, c'est chacun sa mère et on s'y retrouve. Tout le monde sait de là où on est, là où on va. Quand les mômes enfilent la cagoule, c'est la dalle qui part. Voilà, les trouillards ont pris la fuite. Puis laisse la place aux débrouillards, à ceux qui t'annonceront la suite. Les frérots ont la marque de la selle sous leur postérieur. Tapent des mille bornes pour l'euro et ça les fait pas rire. On mène une vie de vaillant, non pas de voyous. J'irai où l'euro remplacera ce putain de caillou. J'suis issu d'ici, ça met des 500 dans les bingos. Ça pringue et ça regarde, ça pisse. On a peu d'exemples, sauf à l'écran. Et mes rêves ont cramé depuis le jour où j'ai fréquenté l'écran. A titubé à chaque sortie de boîte, on voudrait que ça charque. Quand tu crois m'avoir cerné, je change de flèche. Nouvel arc, arrête tes serments, j'ai encore la pêche. On triche quand il faut, picot riche, mon négro. On placarde nos affiches avec la famille comme il faut. Ici on passe pas sous le bureau. On marche avec un GPS, histoire de pas se perdre dans ce labyrinthe. Débrouillard jusqu'au Pérou, personne nous tend la perche. On la prend et opère, vois où j'ai atterri. On est sur une terre libre, rôde autour de l'interdit. Tchatch avec la rime, côtoie que des sahbis. Si on augmente le ton et qu'on œuvre, c'est pour t'entendre la voix de ces mômes qui ouvraient les cartons en tant que manœuvre. Je me suis endetté dans le rap, mais ça me tient à cœur. Débrouillard, on entendra parler de Nord en tant que rappeur. J'ai pas mal de choses à faire, entendez mes sœurs. Je pense avant l'entrée à mon dessert et à toucher des cœurs. J'ai mis la flemme sur orbite, je me la joue pas MC hors pair. Juste un peu d'inspi quand je tchatch avec mes frères. J'ai débarqué en plein phare depuis 97. J'ai pris l'arme et j'exploite ce qui me passionne sur la prod. J'aime les moments où ça freestyle, où ça tease, où t'es sky. Ou quand je me pose et je camperge à comment faire la maille. Les brouillards, souvent on prend des grosses claques, mais on ne rêve pas. Chacun à son tour de remplir le bac. On est en guerre avec nous-mêmes, y'a bien qu'une seule personne que j'aime. Sur cette terre, c'est ma mère, ma mère. On reste des brouillards, histoire de pas prendre racine sur vos terres et de tourner dans le brouillard. On reste des brouillards, histoire de pas prendre racine sur vos terres et de tourner dans le brouillard. Oh yeah.